l'homme éduqué, ce sage de la faune, en groupe rassemblé, ne partage qu'un neurone. Paraît que c'est normal, qu'ils ont leur raison, que c'était pas pour faire mal, et on peut rire de tout, non. Mais c'est pas le trait d'esprit qui le pétrifie, non. C'est la masse qui répète, c'est la masse qui répète, qui n'a jamais appris, qui crie sans savoir faire le tri. C'est la masse qui est bête, c'est la masse qui est bête. Elle, l'intemporelle, la vicieuse, la polémique, la puissante, la belle, l'amnésique. Elle, l'intemporelle, la vicieuse, la polémique, la puissante, la belle, l'amnésique. Hey. Messieurs, dames, quand se plaignent les bourgeois, je les arrose d'un lance-flamme coincé entre vous et ma voix. Et quand la foule se met à huer son voisin pour une poule qui a mal traversé ou un peu trop loin, j'emmerde sa propriété, sa propreté, sa morale, organiquement décérébrée au sommet du règne animal. Mais plus conne qu'un caillou, mais qui prend toute la place, la foule peut se mettre debout, les couilles dans la mélasse. Elle, l'intemporelle, la vicieuse, la polémique, la puissante, la belle, l'amnésique. Elle, l'intemporelle, la vicieuse, la polémique, la puissante, la belle, l'amnésique. Hey. Le cœur froid et les yeux bas, je me pose sur du foin battu. Moi l'aiguille qu'on ne retrouvera pas, mais qui te piquera le cul. Moi, l'éphémère, le vicieux, le colérique, le lâche, le téméraire, l'amnésique. Moi, l'éphémère, le vicieux, le colérique, le lâche, le téméraire, l'amnésique. Hey.